Perte et gain, histoire d'un converti, par le révérend Père Newman. Première partie. Chapitre 17. Une réunion discordante d'évangéliques. Freeborn n'était pas d'un caractère à laisser aller un jeune homme comme Charles sans tenter un nouvel effort pour le gagner, et peu de jours après il l'invita à venir prendre le thé chez lui. Charles s'y rendit à l'heure indiquée, par une soirée humide et froide du triste novembre. Il trouva 5 ou 6 personnes déjà réunies. C'était tout un monde nouveau pour notre étudiant, figure, manière, discours, tout lui était étranger et ne rappelait ni l'école d'Eton, ni Oxford lui-même. Il fut présenté, et la conversation qui continuait ne fit qu'ajouter à l'embarras causé par ses nouvelles connaissances. C'était un feu mesuré de remarques sérieuses, entrecoupées de silences que relevaient seulement des « hommes » accidentels, l'absorption lente du thé, le bruit des cuillères tombant sur les soucoupes et le mouvement machinal des chaises. Quand la servante affairée de la maison venait subitement apporter la bouilloire pour la théière ou des rôtis pour la table. Dans la réunion, il n'y avait pas de naturel ni de laisser aller, mais une grande intention d'être utile. Avez-vous vu le dernier journal spirituel? Demanda à voix basse numéro 1 à numéro 2. Numéro 2 venait de le lire. C'est un très remarquable article sur l'agonie du pape, dit numéro 1. Il ne faut désespérer de personne, répondit numéro 2. J'en ai entendu parler, dit numéro 3, mais je ne l'ai pas vu. Silence. De quoi s'agit-il? Demanda Reading. Du dernier pape Sixte XVI, répondit numéro 3. Il paraît qu'il est mort croyant. Sensation. La figure de Charles exprima le désir d'en savoir davantage. Le journal donne cette nouvelle d'après une excellente autorité, reprit numéro 2. Monsieur Onigjin, l'agent de la branche de la Société des traités pour la conversion des prêtres catholiques, se trouvait à Rome pendant la dernière maladie du pape. Il sollicita une audience, qui lui fut accordée. Arrivé près du malade, il commença tout de suite à lui parler de la nécessité du changement du cœur, de la croyance au seul espoir des pécheurs et du renoncement à tous les médiateurs créés. Il lui annonça la bonne nouvelle, et lui garantit qu'il y avait un pardon pour tous. Il le mit en garde contre la fiction de la régénération baptismale, et puis, continuant à lui apporter la parole, il le pressa, quoiqu'à la 11e heure, de recevoir la Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Le pape écouta avec une attention marquée et fut profondément ému. L'exhortation finie, Sixte XVI répondit à Monsieur Onigjin, qu'il espérait ardemment que tous les deux ne mourraient pas sans se trouver ensemble dans la même communion, ou quelque chose de ce genre. Il déclara en outre, ce qui est étonnant, qu'il mettait sa seule confiance dans le Christ, source de tous les mérites, phrase bien remarquable dans sa bouche. En quelle langue s'est faite la conversion? Demanda Charles. On ne le dit pas, répondit numéro 2, mais je suis à peu près certain que Monsieur Onigjin sait parfaitement le français. Il ne me semble pas, repartit Charles, que les concessions du pape soient plus grandes que celles que font, tous les jours, des membres de notre propre Église, lesquels néanmoins sont accusés de papisme, mais les concessions de ces messieurs leur sont arrachées par force, répliqua Freeborn, tandis que celles du pape étaient volontaires, ce parti rétrograde vers les ténèbres, ajouta numéro 2, le pape marchait vers la lumière. On doit interpréter tout pour le mieux chez un vrai papiste, reprit Freeborn, et tout pour le pire chez un puséiste. C'est à la fois de la charité et du sens commun. Ce ne fut pas tout, continua numéro 2, le pape rassembla les cardinaux, leur protesta qu'il désirait ardemment la gloire de Dieu, dit que la religion intérieure était tout entouée, que les formes n'étaient rien sans un cœur contrit, enfin qu'il avait la confiance d'être bientôt au ciel, ce qui, vous le comprenez, était le rejet de la doctrine sur le purgatoire. C'est un brandon tiré du feu, je l'espère, dit numéro 3, on l'a observé souvent, ajouta numéro 4, et cela m'a frappé moi-même, le moyen de convertir les catholiques romains, c'est de convertir d'abord le pape. La méthode, au moins, est sûre, repartit Charles avec timidité, craignant d'en avoir trop dit, mais son ironie passa inaperçue. L'homme ne peut faire ces choses, reprit Freeborn, mais la foi a cette puissance. La foi peut descendre même jusqu'au plus grand pécheur. Vous voyez maintenant, peut-être mieux que par le passé, ajouta-t-il en se tournant vers Charles, ce que j'entendais par la foi l'autre jour. Ce pauvre vieillard pouvait n'avoir pas de mérite, il avait passé une longue vie en opposition avec la croix. Vos difficultés continuent-elles ? Charles avait souvent pensé sérieusement à sa première conversation avec Freeborn. Eh bien, répondit-il, je ne crois pas qu'elle soit aussi grande. Freeborn parut satisfait. Je veux dire, ajouta Redding, que l'idée se soutient mieux que je ne le croyais d'abord. Freeborn eut l'air contrarié. Charles, rougissant un peu, fut obligé de continuer au milieu d'un silence général. Vous disiez, il vous en souvient, que la foi justifiante existe sans l'amour ou sans aucune autre grâce qu'elle-même, et que personne ne peut absolument expliquer ce qu'elle est, si ce n'est plus tard, d'après ses fruits, qu'il n'y a pas de critérium au moyen duquel on s'examine soi-même pour voir si on se trompe, lorsqu'on croit avoir la foi, de sorte que le bon et le méchant peuvent prendre chacun, également, pour soi les promesses et les privilèges propres à l'Évangile. Cette doctrine, je la trouvais certainement dure tout d'abord, mais ensuite cette idée me frappa, que peut-être la foi est le résultat d'un état d'esprit antérieur, résultat béni d'un état béni. Et c'est pourquoi elle peut être considérée comme la récompense d'une obéissance antérieure, et la foi trompeuse, ou ce qui simplement ressemble à la foi, être un juste châtiment. Autant l'expression de la première partie de ce discours était vague, autant la conclusion en était claire. Personne ne s'y trompa, et l'émotion de tous fut sensible. Il n'y a rien de semblable à un mérite antérieur, dit numéro 1. Tout est grâce. Pas de mérite, je le sais, reprit Charles, mais, nous ne devons pas nous jeter dans la doctrine de Condigno ou de Congruo, dit numéro 2. Mais, évidemment, répliqua Charles, c'est une cruauté de dire aux ignorants et à la foule, croyez, et d'un seul coup vous serez sauvés, n'attendez pas les fruits, réjouissez-vous tout de suite, sans accompagner cette doctrine d'une description claire de ce que c'est que la foi, et sans prémunir ces pauvres gens contre leur propre illusion par une éducation religieuse. C'est là, répondit Freeborn, la véritable gloire de cette doctrine d'être prêchée aux plus misérables des hommes. Elle leur dit, « Venez tel que vous êtes, n'essayez pas de vous rendre meilleur, croyez que vous êtes sauvés, et le salut est à vous, les bonnes œuvres viendront après. » Au contraire, reprit Charles continuant sa thèse, lorsqu'on dit que la justification suit le baptême, il y a là quelque chose d'intelligible, de précis, dont tout le monde peut s'assurer. Le baptême est un signe extérieur et non équivoque, Tandis que si un homme a ce sentiment secret appelé la foi, nul autre que lui ne peut en rendre témoignage, or, cet homme ne peut être un témoin impartial. Redding avait enfin réussi à mettre cette sombre assemblée dans un état de grande excitation. « Mon cher ami, dit Freeborn, je m'attendais à mieux que cela, dans peu de temps, je l'espère, vous verrez les objets sous d'autres couleurs. Le baptême est un rite extérieur. Qu'y a-t-il ? Que peut-il y avoir de spirituel, de saint ou de céleste dans le baptême ? Mais vous me dites vous-même que la foi, non plus, n'est pas spirituelle, répliqua Charles. Je vous le dis, et quand donc ? Eh bien, répondit Charles un peu déconcerté, au moins vous ne la croyez pas sainte. Freeborn fut embarrassé à son tour. Si elle est sainte, continua Charles, elle a quelque chose de bon en elle, elle a quelque valeur, elle ne porte pas d'ignoble haillon. Tout bien, dites-vous, arrive ensuite. Vous dites que ses fruits sont sains, mais que la foi n'est elle-même absolument rien. Il y eut un silence momentané, et un peu d'agitation dans les esprits. Oh, la foi est certainement un sentiment sain, dit numéro 1. Non, il est spirituel, mais non pas saint, repartit numéro 2. C'est un simple acte, l'appréhension des mérites du Christ. Il a son siège dans les affections, dit numéro 3. La foi est un sentiment du cœur, c'est la confiance, c'est la croyance que le Christ est mon sauveur. Tout cela est distinct de la sainteté. La sainteté veille l'idée d'une justice relevant de soi. La foi est paix et bonheur, mais elle n'est pas la sainteté. La sainteté vient ensuite. Rien ne peut produire la sainteté, si ce n'est ce qui est saint, reprit Charles. C'est une espèce d'axiome, les fruits étant saints, la foi, qui en est la racine, doit être sainte. Vous pourriez aussi bien soutenir que la racine de la rose est rouge, et celle du lys blanche, répliqua numéro 3. Pardon, s'écria Freeborn, c'est, comme dit mon ami, une appréhension. L'appréhension, c'est l'acte de saisir, il n'y a pas plus de sainteté dans la foi justifiante que dans l'acte d'une main qui s'empare d'une substance qu'elle trouve devant elle. C'est là la grande doctrine de Luther dans son commentaire sur les Galates. La foi n'est rien en elle-même, c'est un simple instrument, voilà ce qu'il enseigne, lorsqu'il s'élève avec tant de force contre la notion de la foi justifiante comme étant accompagnée de l'amour. Je ne puis souscrire à cette doctrine, reprit numéro 1. Elle peut être vraie en un certain sens, mais elle jette des pierres d'achoppement dans la voie de ceux qui cherchent. Luther ne pouvait vouloir dire ce que vous soutenez, j'en suis convaincu. La foi justifiante est toujours accompagnée de l'amour, c'est ce que je croyais, dit Charles. C'est tout à fait la doctrine de Rome, reprit numéro 2. C'est la doctrine de Boole de Taylor, dans le sens que Luther l'appelle venenum infernal, repartit Freeborn. C'est précisément la doctrine que prêchent en ce moment les puséistes, dit numéro 3. Au contraire, repartit numéro 1, c'est celle de Mélenchon. Regardez, continua-t-il en tirant de sa poche son portefeuille, j'ai noté ces paroles. Lorsque Schulflitton les cita l'autre jour dans la salle de théologie, la foi signifie la confiance, dans la confiance il y a l'amour, donc nous sommes aussi justes par amour. Trois membres de la réunion s'écrièrent que c'était impossible, le papier passa de main en main dans un silence solennel. Calvin dit la même chose, ajouta numéro 1 d'un air de triomphe. Je pense, reprit numéro 4, d'une voix basse, douce et soutenue, qui contrastait avec l'animation qui s'était subitement manifestée dans la conversation. Je pense que la controverse l'homme peut aisément se vider. C'est une question de mots entre Luther et Mélenchon. Luther dit, homme, la foi existe sans l'amour, voulant exprimer que la foi justifie sans l'amour. Mélenchon, d'autre part, dit, homme, la foi existe avec l'amour, voulant exprimer que la foi justifie avec l'amour. Or, tous les deux sont dans le vrai, car, homme, la foi sans l'amour justifie, cependant la foi justifie non sans l'amour. Il y eut un moment de silence, tandis que les deux parties élaboraient cette explication. Au contraire, ajouta-t-il, c'est la doctrine papiste que la foi avec l'amour justifie. Fribourg exprima son dissentiment, il croyait que c'était là la doctrine de Mélenchon condamnée par Luther. Vous voulez dire, reprit Charles, que la justification est donnée à la foi avec l'amour, et non à la foi et à l'amour? Vous avez exprimé ma pensée, répondit numéro 4, et quelle différence mettez-vous entre le mot avec et le mot et? Numéro 4 répondit sans hésiter, la foi est l'instrument, l'amour le sine qua non. Nos deux et trois se récrièrent en l'interrompant, ils croyaient que c'était en revenir au légal, allusion à la loi judaïque, que d'introduire la phrase sine qua non, c'était introduire des conditions. La justification était inconditionnelle. Mais la foi n'est-elle pas une condition? Demanda Charles. Certainement non, répondit Fribourg. Condition est un mot légal. Comment le salut peut-il être libre et entier, s'il est conditionnel? Il n'y a pas de condition, dit numéro 3, tout doit venir du cœur. Nous croyons avec le cœur, nous aimons avec le cœur, nous obéissons avec le cœur, non que nous y soyons obligés, mais parce que nous avons une nouvelle nature. N'y a-t-il pas obligation d'obéir? Demanda Charles étonné. Pas d'obligation pour les régénérer, répondit numéro 3. Ils sont au-dessus de toute obligation, ils sont dans un nouvel état. Mais, certainement, les chrétiens sont sous une loi, reprit Charles, certainement non. Repartit numéro 2, la loi est abolie sous le Christ, prenez-y garde, dit numéro 1, vous êtes sur la lisière de l'antinomianisme? Pas du tout, répondit Fribourg, un antinomien soutient ouvertement qu'il peut briser la loi. Un croyant spirituel dit qu'il n'est pas tenu de l'accomplir. Il s'éleva alors au sein de l'assemblée une nouvelle discussion, comme il paraissait qu'elle serait aussi interminable qu'elle était ennuyeuse. Reding saisit l'occasion de souhaiter le bonsoir à son hôte et de s'en aller à la dérobée. Il n'avait jamais eu beaucoup de penchant pour la doctrine évangélique, et Fribourg et ses amis, qui connaissaient leurs propres croyances mieux que le reste de leur secte, lui avaient démontré qu'ils n'avaient pas grand-chose à gagner en étudiant davantage cette doctrine. Ces messieurs, en conséquence, ne figureront plus dans notre livre. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.